cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salat wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma huwa madhhab as-salaf radiyallahu ta'ala anhum fi as-sifat? Hada su'al muhim. C'est une question importante et c'est ce qu'on a étudié ensemble le dernier dars. On a vu la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayh wa kadhalik Cheikh al-Islam rahimahullah et d'autres par rapport à la parole au vers de poésie de Cheikh al-Islam rahimahullah wa jami'u ayat as-sifat umirruha haqqan kama naqala at-Tiraz al-awwal. Ay savoir son madhhab dans les sifat. Il a pris la voie des salaf fi hadhihi al-aqida. C'est quoi la voie des salaf, madhhab al-salaf fi al-asma' wa al-sifat? Tafaddalahi. Al-sifat wa ijrahum ala dhahriha. Na'am, yuthbituna al-sifat. Wa kadhalik wa ijra'uha ala dhahriha. Ma ma'na hadha? إثبات الصفات كذلك هذه الصفات تبقى على ظاهرها ما معنى هذا؟ كمان تلزع فيها؟ قال الله عز وجل وقال نعم هذا إثبات الصفات أي تؤمن بكل صفة جاءت في القرآن أو في السنة هذا مذهب السلف. فمثلا في القرآن صفة الوجه فأنت تسوي لفوة السلف فتثبت ما أثبته الله لنفسه فتدي الله سبحانه وتعالى إلى وجه. كذلك في السنة أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة النزول لله عز وجل أي أن الله ينزل الله يدسم فتثبتها أنت. Je dis, Allah il descend. Pourquoi les anna rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a informé bidhalik? Hada c'est muhim. Ithbatu sifat. Thumma qulta ijra'uha ala zahiriha. Ma ma'na hada? Indak. Mathalan, Allah indahu wajh, akhuzu huwa wajh, lakin laysa bi, laysa misli khalaq. Ahsant. Fanaqul kama qala azza wa jal. أثبت لنفسه عز وجل صفة الوجه. الله nous a informé في القرآن أنه il a un visage, un وجه. فنحن on dit il a un وجه sans faire ressembler bien sûr à la créature. لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر. Alors qu'il y a beaucoup de créatures qui ont la vue et l'ouïe. L'être humain, certains animaux, ils voient, ils entendent. Allah athbata li nafsihi as-sam'a wal-basar, et en même temps qu'il laisse comme il est chez, il n'y a rien qui lui ressemble. Fa nahnu nuthbituha kama ja'at amruha kama ja'at qalu as-salaf. Et tu laisses cet attribut comme il est sans déformer. On doit s'écarter de plusieurs choses, trois ou quatre choses, on les a citées plusieurs fois. Awalan indak التأويل. Et en réalité, c'est, on a dit التأويل, ça peut être صحيح, il y a un mot plus juste. عندك التحريف. On s'écarte du تحريف. C'est quoi التحريف? ما معنى التحريف? التحويل بدون أدلة. صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل بلا برهان. أي le sens du verset apparence et un visage, Fahoua il cite un autre sens sans délil. Al-Wajh il dit c'est al-Thawab, c'est la récompense. Et il n'a aucun délil. Tahrifun, on s'écarte de hada. Ijra'uha ala zahiriha, sans faire de tahrif. Allah il a des mains, on dit il a des mains. Il a un visage. Il descend. Sans faire des interprétations comme ils ont fait Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Al-Muharrifa. Donc on s'écarte du tahrif. Thanyan. الكيفية التكييف. ما معنى التكييف؟ نريد نفهم لماذا أو كيف. نعم أي يذكر أو يتصور كيفية أي un comment أي les mains ils sont de telle façon هذا حرام لماذا لأن الله عز وجل أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن الكيفية فأمروها كما جاءت إجراؤها على ظاهرها sans faire de تكييف كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول فأنا connaît الصفة on sait ça veut dire quoi الاستواء on sait c'est quoi le وجه لكن كم الله أعلم به ثالثا on s'écarte التمثيل on s'écarte du تمثيل كذلك لماذا لأن الله أخبر أنه ليس كمثله شيء الله يغصن بوك خارجه فنثبت الصفة إجراؤها على ظاهرها Allah il a des mains, lakin ces mains, on est sûr qu'elles ne ressemblent pas aux mains des créatures. Pourquoi ? La créature elle a des faiblesses, les sifat des créatures, كذلك, elles ont des faiblesses, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est munazza an dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hayy, c'est le qayyum. Lahu al-mathalu al-a'la subhanahu wa ta'ala. Donc on s'écarte du tamthil. Quatrièmement, on s'écarte. التعطيل ونسكح دو تعطيل التعطيل سإنكارها أي نردها كما فعلت الجهمية والمعتزلة يزون دي الله لا بد ما الله لا بد فيزاج نفوا الصفات وبعضهم نفوا الأسماء والصفات كالجهمية نحن نثبت السنكيم ونسكح دو ماذا التفويض ونسكح دو تفويض أي بعضهم قال نعم الله سبحانه وتعالى لا ستة صفات لكن on sait pas ça veut dire quoi ففي الحقيقة عطلوها المفوضة سدي معطلة أما نحن فنؤمن بالصفة et on connaît le معنى بلغة العرب لكن on s'écarte des choses qu'on a citées précédemment c'est ça عقيدة السلف On répète la parole de Cheikh al-Islam, rahimahullah, fi al-fatawa, qala, fa madhhabu as-salaf ridwanullahi alayhim ithbat as-sifat. Donc ithbat as-sifat on a dit bil kitab ou bil sunnah. C'est pour ça qu'on dit as-sifat tawqifiyya comme on a vu avec certains frères dans les règles de al-lum'ah. Wa ijra'uha 'ala dhahiriha wa nafi al-kayfiyya 'anha. Donc tabqa 'ala dhahiriha. Et on s'écarte du tekif. L'imada li anna, ça fait partie des choses de l'invisible et Allah il nous a pas informé. On sait qu'il y a une kayfiyya, lakin comment? Allahu a'lam. Allah il nous a pas informé. Hada kalam, Cheikh al-Islam il est muhim. Hada mafhoum. C'est important hada ya jama'a. Celui qui a pas compris, yatafaddal. Qala Cheikh al-Islam, ou man yurid yaqra. من هنا تفضل يقرا من البدايه يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي وزقان هلال للهدايه يساله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابه كلهم لمذهبه ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنه الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاء به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آية الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل كل ما يتخيل نعم أحسنت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل في هذا البيت رحمة الله عليه يكونتينيو montrer son madhhab fi al-asma'i was-sifat wa arud 'uhdataha ila nuqalaha wa asunaha 'an kulli ma yatakhayyalu donc hadhihi as-sifat kama taqaddam nuthbituha bil-Qur'an aw bis-Sunnah wa kadhalik nuthbituha kama athbataha as-salaf on s'écarte du tahrif du ta'til, du takif, du tamthil et du tafwil. Qala al-sharih Sheikh Mohammed hafidhahullah qawluhu wa aruddu 'uhdataha ila nuqaliha يعني أنه يثبت كل ما جاء من صفات الله بنقل العدول الضابطين وإن كانوا أحادا وهذا مهم. Pourquoi? لأن مذهب السلف أنهم يؤمنون بالصفة أو بأي شيء جاء في الكتاب والسنة كتصف في العقيدة أو autre إذا ثبت الدليل si le dalil il est sahih, fayuthbitun. Même si ce hadith, c'est une personne de confiance qui l'a rapporté. Ce qu'ils appellent l'ahad. Ou deux, ou trois. On avait vu هذا مع بعض الإخوان dans notre درس في شرح البيقونية. الحديث العزيز, الغريب, المشهور, الفرد. Tout ça, ça s'appelle في مصطلح المحدثين الأحاد. Aïe, ce hadith, il n'a pas atteint le niveau du tawatur. Le tawatur, c'est beaucoup de personnes, ils ont rapporté ce hadith, et c'est pas possible qu'ils se sont tous rassemblés pour mentir. Donc le hadith, il est forcément sahih. Fa ahlul bid'ah, ils acceptent le tawatur. Lakin, al-ahad, ils disent là, nahnu, ahlul sunnah, on suit les salafs, tant que ce rapporteur, il fait partie de al-udul, et c'est un dhabit, أي سكيل رابورتي سي محفوظ فنكسب. سي بور سا كو الامام البخاري الامام مسلم وغيرهم من الائمه يزون رابورتي دي احاديث كو سا سوا دان رابورتور او دو بلوزيور. قال بمعنى انهم لم يبلغوا حد التواتر وهذا هو الذي لم يزل عليه اهل السنه والجماعه واهل الحديث من عهد الصحابه رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا خلافا لأهل البدع الذين إذا كان النص في القرآن قالوا يؤول أو يفوض كما قال صاحب الجوهرة. Si tu as compris مذهب السلف في الإثبات أنهم يثبتون ما جاء في النصوص. Si c'est في القرآن c'est clair. كلام الله عز وجل. Tu n'as pas besoin de rechercher ce qu'il est ضعيف ou صحيح. القرآن كله صحيح بإجماع المسلمين. Celui qui renie un harf, c'est le kufr billahi azza wa jal. Ça c'est clair. As-sunnah, كذلك, as-salaf, yuthbituna ma ja'a fi sunnah sahiha. Que ce soit un hadith aziz, gharib, mashhour, l'essentiel c'est qu'il est thabit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment dit هذا الكلام. Et on a vu dans notre charh de l'Bayquniya, walillahi alhamd ma'a l'ikhwan, anna as-sahih il a des conditions. Parmi ces conditions, c'est que ce rapporteur, c'est une personne de confiance. كذلك الضبط. Il a mémorisé ce qui nous rapporte. Il m'a mémorisé par cœur. Il m'a mémorisé écrit, préservé dans un livre. Al-Muhim, c'est une personne de confiance. Si les shurut du sahih, ils sont présents, on accepte. Amma ahlul bid'ah, voilà. Ahlul bid'ah, si le hadith pour eux il n'est pas mutawatir, ils rejettent. Pourquoi? لِأَنَّ عِنْدَهُمُ الْآحَاد. C'est pas quelque chose de sûr. Ils ont des doutes. أَمَّا نَحْنُ لَا. Il y en a 600 rapporteurs de confiance, on accepte, c'est ça tariqatu salaf. فَأَهْلُ الْبِدْعَ avec النصوص في الأسماء والصفات, ils ont deux choses. Si c'est du Coran, مثلا, tu lui cites قول الله عز وجل وَلْيَدَاهُ مَبْسُوطَةً. أي الله إلى دوما أو قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله إلى انفيزاج et beaucoup d'autres الصفات. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Interprète. Ils vont pas rejeter لأنهم ils savent que rejeter c'est du كفر. Ils vont dire نعم الله إلى دوما لكن les mains ça veut dire telle chose. Ça c'est leur première façon pour ne pas attribuer les attributs. La deuxième, si c'est un hadith, ils vont dire c'est pas mutawatir, c'est pas sûr, donc ils acceptent pas. Ça te montre anna ahl al ahwa, ils se soumettent pas au texte. Iyadan billah. Amma nahnu, on doit pas faire passer les passions avant les textes. Vous avez remarqué que haoula, si le texte il concorde avec leurs passions, ils acceptent. Sinon, ils déforment ou ils rejettent. Amma nahnu la, le texte il passe avant ta raison, le texte il passe avant tes passions. Le texte il passe avant tes envies intes. C'est toi qui dois te conformer au texte du Coran et de la Sunna, pas l'inverse. فَلِهَذَا السَّلَفْ ils acceptaient les textes. Pourquoi ? لِأَنَّهُمْ ils étaient soumis à Allah Azza wa Jal. Et suivaient le prophète. Ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc retenez bien هذا. أَنَّهُمْ si c'est du Coran, ils vont dire il faut interpréter. الحقيقة c'est du tahrif, il déforme. Si c'est sunna, ils vont dire c'est pas mutawatir. Si c'est mutawatir, ils vont faire comme le Coran, ils vont interpréter, déformer. On répète l'an. قال إذا كان النص في القرآن أي النص c'est un texte. Ça peut être un verset du Coran, ça peut être un hadith. C'est ça النص. Le pluriel النصوص. فإذا كان النص في القرآن أي النص un texte, un verset du Coran. فيه صفة من صفات الله. Qu'est-ce qu'ils vont dire? قالوا يؤول أو يفوض. إما التأويل تحريف. Ils vont déformer. Ils vont dire les mains c'est بمعنى القدرة القوة. C'est la force. C'est la capacité. C'est pas des vraies mains. أو التفويض. Ils vont dire des mains, لكن on sait pas c'est quoi. هكذا أهل الأهواء. كما قال صاحب الجوهرة. صاحب الجوهرة il a écrit une poésie et c'est devenu une référence عند الأشاعرة المحرفة أي ceux qui déforment les textes. ماذا قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها وكل نص أوهم التشبيه أي chaque texte qui fait أي si tu lis مثلا les mains ça va impliquer de la ressemblance هكذا هم s'il y a les mains forcément, ils pensent que tu vas faire ressembler aux mains des créatures, des êtres humains. Enfin, qu'est-ce que tu dois faire ? Awilhu. Aïe, tu déformes. Aw fawwad warum tanziha. Aïe, imma tu déformes, imma tu fais du tafwid, et tu t'écartes du tamthil. Aïe, pour pas faire ressembler Allah à la créature. Et ça, c'est batil. Fanahnu, qu'est-ce qu'on fait si on a un texte ? Haoula, imma ils déforment, imma ils font du tafwid. Aïe, ils disent, nous, on sait pas, ça veut dire quoi ? Pour s'écarter du tamthil. Nahnu, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a un texte avec un attribut, t'as un texte, un verset du Coran avec un verset. C'est quoi ta croyance par rapport à ce verset? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi la position des gens de la Sunna? On a dit, Ahlul Bid'ah, Al-Asha'ira, ou غيرهم, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour eux, les mains, ils vont penser que ça fait ressembler aux créatures. Donc, ils vont déformer, ils vont dire que ce n'est pas des vraies mains. Allah il a dit des mains, lakin ça veut dire la force, la capacité. Le visage ça veut dire la récompense. Ou tafouid. Ou ils vont dire les mains, tu dis pas c'est des vraies mains. Qu'est-ce que c'est? Allahu a'lam. Ça c'est la position de Ahl al-Bid'ah. Al-Muharrifa ou al-Mufawwida et al-Mu'attila kadhalik. Al-Mu'attila, nafs al-shay. Sauf qu'eux ils vont faire du ta'til complètement. Al-Jahmiya madal. Les mains ils vont dire Allah il ressemble pas aux créatures, donc Allah il a pas de mains. Nahnu, qu'est-ce qu'on fait? Indak. نعم أن الله لا أوج donc تؤمن بالصفة. Est-ce que si tu dis أن الله لا أوج forcément t'as fait ressembler à la créature? Là parce que Allah il a un wajh par rapport à lui Azza wa Jal est un wajh parfait et l'être humain il a un visage et c'est un visage de makhlouq donc c'est pas forcément ça se ressemble abadan bel Allah il a dit laysa kamithlihi shay fa nahnu nu'min anna Allah la wajh et on dit Allah il ressemble pas aux créatures. Eux ils ont pas fait ça, ils ont dit là, ils ont dit pour eux ça ressemble forcément aux créatures, donc ils ont touché à la sifa iyadan billah, ils ont dit imma il faut déformer, imma il faut faire du tafwid, imma il faut rejeter. Mafhoum hada c'est muhim ya jamaa, celui qui comprend pas yatakallam, si tu comprends pas ça l'an tu vas le comprendre mata. Il faut que ça soit واضح. C'est pour ça qu'on insiste. Suivez celui qui a ishkal, il est tagallam. Amma on lit et à la fin c'est pas compris. Mada sanastafi. Sanastafi de chey. Faut que tout le monde comprenne hada, c'est muhim. Qala wa idha kana an-nasf min as-sunnah. قالوا هذا خبر احد والعقيدة لا تؤخذ بخبر الاحد وهكذا زعموا وقالوا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم الا واحد؟ Donc si c'est le Coran, taqaddam, annahum ils déforment ou ils rejettent. Iyadam billah. Si c'est sunnah, ils vont dire, lakin, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y en a pour eux, al-ahad. Al-ahad, c'est la chaîne de transmission. Ils sont pas plusieurs dans une tabaka. Pour eux. هذا vous le verrez, أو بعضهم ils l'ont vu معنا ولله الحمد dans المصطلح. المهم أنهم ils vont rejeter ce خبر. الآن pour répondre à cette شبهة, أولا قال وهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم il était seul quand il a fait, quand il a propagé ce message. Est-ce que عياذا بالله on va rejeter? Al-Muhim, c'est pas qu'il soit seul ou qu'ils sont plusieurs. Al-Muhim, c'est que ce kalam, il a une source. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par le wahid. On est obligé d'accepter. Donc l'essentiel, c'est est-ce que ce rapporteur, il est de confiance ? Amla. Qala, wa hal alladhina arsalahum ila al-Madina al-Nabawiyya qabla al-Hijra li ta'lim al-Nas aqidatahum wa dinahum illa ahadan. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des compagnons faire da'wa et ils étaient seuls. Oh, ils étaient deux, oh, ils étaient trois. Al-Ahad, il ne faut pas comprendre que c'est un, c'est tout, là. Al-Ahad, c'est ce qui n'atteint pas le niveau de Tawato. Ça peut être deux, trois, quatre, cinq, c'est toujours considéré comme Ahad. Donc, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'ad al-Yémen, et il était seul. Il a envoyé Ali kadalik au Yémen, radiyallahu anhum, pour faire da'wah, et ils étaient seuls. Est-ce que ceux qui ont reçu cette da'wah, ils ont dit là, on n'accepte pas de vous, vous êtes seuls? Personne de confiance, on accepte. Surtout cette personne de confiance, elle cite des preuves. قال وهل الذين أرسلهم إلى اليمن لتعليم الناس ودعوتهم إلى العقيدة والتوحيد إلا أحدا وكذلك جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وابن عمر رضي الله عنهم وفي صحيح مسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة مر على أهل مسجد قباء فأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا إليها وهم في الصلاة ولم يقولوا إن هذا خبر أحد فلا نقبله. هذا هو دليل قوي في المسألة pour démontrer أن خبر العدول il est accepté même si ce rapporteur il est seul. لأنهم qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ce hadith, c'est un rapporteur qui l'a transmis. Pour eux, même s'il est de confiance, pour eux c'est ahad, ils rejettent. لِأَنَّهُ لَا يُفِيدَ الْيَقِينَ عِنْدَهُمْ. نحن on dit là, si c'est une personne de confiance, on accepte. وَإِلَّا on aurait rejeté beaucoup de hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. عِيَادًا بِلَا كَمَا هُوَ حَالَ أَهْلِ الْأَهْوَى. Enfin, parmi les preuves ce hadith, في الصحيحين, كذلك في صحيح مسلم عن أنس, أن رجلًا un homme, il est passé devant Masjid Quba, et il a vu Al-Muslimin faire salat en direction de Bayt al-Maqdis, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu la révélation qu'il fallait se diriger vers le Kaaba. Ils ont changé de position. Cette jama'a qui était à Quba, le khabar, il leur était pas encore parvenu. Les anoum, ils ont pas fait salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait salat dans un autre masjid. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plusieurs jama'a. Ils faisaient pas tous salat qui masjid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ils habitaient plus loin. Ce sahabi qui a fait salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui a assisté et qui a su que la qibla, elle a changé, quand il est passé, il faisait salat, il les a informés. Il leur a dit, et eux, ils faisaient salat, il leur a dit, Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu un verset, la qibla, c'est en direction de Mecca, Al-Ka'ba. Ils étaient à Médine. Hein. À l'époque, ils étaient en direction de Bayt al-Maqdis. Thumma, il fallait se diriger Mecca. Il fallait tourner. Enfin, ils se sont tous, ils ont tous changé de jihad pendant la salat. Est-ce qu'ils ont dit là? Là, on va voir cet homme qui nous informe, on va voir est-ce que c'est vrai. Ils ont tous appliqué directement. Ça te montre, anna madhhab al-sahaba, madhhab al-salaf, annahum, ils acceptent khabar al-ahad. Tant que c'est une personne de confiance. Que ça soit fil aqida ou fil ghayriha. Falhadar min hadhi al-afkar. Afkar ahl al-ahwa. Annahum, ils doutent sur les textes. C'est une personne de confiance, c'est une personne de confiance. Il parle bi'ilm, il parle bi'ilm. C'est ça le mizan. C'est pas al-kathra. Donc, هذا الدليل il est طيب في المسألة. قال وقوله وأصونها عن كل ما يتخيل فيه نفي تكييف الصفات الله تعالى عن كيفية محدودة ومعينة وليس معنى ذلك نفي الكيفية عن صفات الله فإن صفات الله عز وجل لها كيفية ولكن لا نعقلها ولا نعلمها. هذا تقدم معنا كثيرا. وأصونها عن كل ما يتخيل. On n'a pas le droit de s'imaginer un kayf. Léana, ça ne sert à rien. Et walaw al-insan, il fait un effort et il réfléchit, il n'arrivera jamais à trouver le comment. Léana, Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas informé. Fahada la yajouz. Lakin, comme il a précisé, Cheikh Hafidhahullah, anna al-kayfiyya, elle existe. Il y a un comment. Léana, toute chose qui existe, elle a un comment. Lakin, tu ne le connais pas. Pourquoi? Allah ne t'a pas informé. Il n'a pas informé son messager. On n'a pas de délil à la hada, on s'arrête. فلهذا عندي هذا الباب للتوقيفي توقيفي صغير الوقت تتخذ التكس الله تنفرمي دو الصفة تؤمن بالصفة إتبا انفرمي دو الكيفية فلا تخوض في هذا سسرعين دو بارلي في هذا. قال ابن الماجشون, ابن الماجشون من أئمة المالكية رحمة الله عليه, والإمام أحمد مشهور وغيرهما من السلف رحمهم الله, إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. هذا النص لي امبورطون. إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. On connaît pas الكيفية لأن الله nous a pas informé. وإنما كنا نعلم تفسيره ومعناه. لكن ce qu'on connaît c'est le sens. ففي هذا الحال أن ça te montre أن مذهب السلف c'est pas التفويض comme ils disent البعض. البعض disent que السلف كانوا يفوضون. لا, السلف ils connaissaient le معنى. Pourquoi? Parce que ce verset, il a été révélé en langue arabe. Et celui qui comprend l'arabe, il va comprendre. لكن الكيفية والتمثيل on s'en écarte. قال انظر مختصر الصواعق. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز, إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يجدون في صفة محصورة ولا يحدون في صفة محصورة. تقدم هذا النقل on l'a déjà lu عن ابن عبد البر. الشاهد هنا لا يكيفون شيئا, il faut pas التكييف. التكييف c'est donner un comment, chercher le comment. قال انظر الفتاوى أي لشيخ الإسلام. وقال الخطابي رحمه الله في كلامه على الصفات, مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. هذا لمختصر لطيب في كلام ذو الخطابي. مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها. Donc on comprend ce نص, cette صفة بلغة العرب et on connaît le معنى sans faire de takif, sans faire de tashbih et tamthil, et كذلك sans faire de ta'til, sans faire de tafwid, sans faire de tahrif. انظر مختصر العلو. العلو للإمام الذهبي المختصر شيخ الألباني رحمه الله إلا غزومي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, مذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا النص de l'imam ibn Taymiyyah رحمه الله il a résumé tout ce qu'on vient de citer. C'est ça madhhab al-salaf. إثبات أي c'est un texte qui cite une صفة فتؤمن بهذه الصفة. كذلك ce texte il peut être من القرآن أو من السنة tant que c'est un hadith ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف déformé ولا تعطيل rejeté. Et min al-ta'til al-tafwid, لأن il va pas citer l'un al-tafwid. Al-tafwid, tu peux le faire entrer dans al-ta'til, لأن al-mufawwid la yu'min bil-sifa. إلا أنه il rejette pas al-lafd, لكن في الحقيقة il croit pas. فسأ معطل. ولا تعطيل ومن غير التكييف. التكييف c'est rechercher le comment. ولا تمثيل أي faire ressembler cette sifa à la sifa des créatures. فالمعطل يعبد عدما. المعطل يعبد عدما. لماذا؟ لأن العدم c'est quelque chose qui n'existe pas. Je peux traduire par le néant. المعطل يعبد عدما. Pourquoi? لأن الخالق المعبود بحق جل وعلا إلى ذي الصفات. فنحن نؤمن بهذه الصفات. المعطل dit que الله il n'a pas de صفات. Et في الحقيقة une chose qui n'a pas de صفات c'est une chose qui n'existe pas. المعطل ماذا يقول؟ On va prendre un exemple مع roulette الجهمية pour que ça soit clair. Ils disent Allah il a pas de main, il a pas de visage, il a pas de قدرة, il a pas de علم, il a pas de حكمة, il a pas de عزة. ينفون جميع الصفات. À la fin c'est l'adam. فلهذا بعض السلف كانوا يقولون tu trouveras pas un meilleur تعريف de l'adam, et si tu veux une définition du adam et du néant tu lis la position des Jahmiyyah par rapport aux sifat. Et Allah il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. Fa fil haqiqa ya'buduna adaman, ils adorent une chose qui n'existe pas. Qala wal mumathil ya'bud sanaman. Qui c'est qui nous explique هذا? Al-mumathil ya'bud Salaman. Pourquoi Cheikh l'Islam قال هذا? Ahsant, ils font ressembler Allah à la créature, enfin, en fait, il adore une créature, Salam. Amma qala huwa al-muslim ya'bud Allah, ya'bud Allah, ilahu al-ard wa as-sama. Amma al-mu'min, celui qui suit as-salaf fi hadha, fa il adore Allah, et Allah il a des sifat. Azza wa jal. Intaha, anzur, qal lawami' al-anwar wa al-fatawa li Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. هذا الدرس إلى مهم جدا. Et on peut résumer نحن عقيدة السلف en une phrase. أي في الصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. C'est ça عقيدة السلف. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل أي تثبت الصفة sans faire de tamthil. Allah il a un visage, Allah il a des mains, Allah il descend. Azza wa jal. Wa tanzihun bila ta'til. Ay, tunzih Allah azza wa jal min an-naqais, min al-uyub, min al-mathil, lakin sans faire du ta'til. Sans faire du ta'til. Fa mathalan on dit nahnu Allah il ressemble pas à la créature. Lakin est-ce que ça veut dire qu'Allah il a pas de sifat? La. Amma ahlul bid'ah, ils se sont égarés fi hadha al-bab en deux extrêmes. Écoutez Ad-Dars. Amma al-kitaba sahl. À la fin du Dars, une minute, Anna, je vous dicte. Sma'ou. Ahlul bida', ils se sont écartés, ou ils se sont égarés en deux extrêmes, fi hadha al-bab. Imma, ils ont fait ressembler, mumathila. Imma, ils ont rejeté, mu'attila. Et ceux qu'ils ont rejetés, ça englobe al-tafwid, ça englobe al-tahrif, ça englobe tout cela. Fil haqiqa, ils ont tous rejeté l'akin d'une manière différente. Certains, ils ont rejeté directement le jahmiya, certains, ils ont interprété, soi-disant, al-asha'ira, certains, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas al-mufawwada. Imma mumathil, imma mu'attil. Nahnu la. Ithbatun, on dit qu'Allah il a des sifat sans faire de tamthil. Et on dit qu'Allah il ressemble pas aux créatures sans faire de ta'til. Maintenant, on dit qu'Allah ne ressemble pas aux créatures, lakin il a des mains. Et on dit qu'Allah il a des mains, lakin il ne ressemble pas aux créatures. C'est ça, aqidatu as-salaf. On répète la phrase pour celui qui veut écrire. Ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Révisez hadihi al-abwab. C'est muhim. Donnez du temps à mitla hadihi al-durus. Hatta ça soit compris. Bi itqan. Essayez d'apprendre par cœur, si vous pouvez, certaines choses, de relire, de prendre des notes, de résumer. Hatta vous maîtrisez هذا, c'est aqidat al-salaf. C'est muhim. Naktafi bi hadha al-qadr. Walhamdulillah.